Art and Soul, tous les mardis de 18h à 19h, présenté par Timothée Milton, Buggy Anton et Guillaume. Art and Soul. Et c'est reparti pour une nouvelle émission Art and Soul en direct. On n'est pas du tout à la bourre, hein, c'est non. Ça non, non, pas du tout. On est bon là, carrément arrivé. Pour aller, non, non, vraiment, nickel. On est à l'heure en plus. 18h, écoute. Ah, 18h. C'est l'horloge qui le dit. Ah, ça c'est on vrai. Est bon. Alors, salut Guillaume, comment vas-tu? Bah, très bien, et vous? Bah, ça va. Est-ce que tu peux un tout petit peu fatigué quand même du week-end qui était quand même bien. Comment s'est passée la soirée l'escape? Écoute, moi, faut une. Je pense une bien bonne soirée. Ouais, c'était vraiment canon. Le live et tout, vraiment top. Terrible. Ouais. Beaucoup de monde, une chouette ambiance. Je sais pas, j'ai vu que ça avait filmé, donc je ne sais pas si la vidéo va être. Ah, vidéo. Sur Internet. C'est un DVD alors. En tout cas, il y a les photos sur tlight.com. Et puis. C'est vraiment une bonne soirée. Quoi. Merci d'accord. À tous. Hein. S'il y a les auditeurs qui étaient là ce samedi, à mon sûrement. Avis, il y en avait certainement. Oh, et... Sûrement, ils devaient être dissimulés quelque part, mais il devait y en avoir. C'est très bien. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir? Alors, petite sélection de nouveautés encore bien sympathique. Hein. Ouais, beaucoup de tracks encore une fois. Alors cette semaine, ouais, ça sent bon. On va retrouver aussi Sébastien, donc des soirées pour le FMR Clubbing. Ouais, il va nous parler un petit peu du concept, puisque c'est un peu la personne qui s'occupe vraiment de ça à la base. Et puis on va peut-être gagner des cadeaux grâce à ça en fin d'émission. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal, ma foi. On va faire participer. Hein. Ensuite, l'agenda de la semaine qui est, ma foi, très chargé avec les fériés et le week-end qui arrive. Ah, là, ça va clubber ce week-end. Et on terminera par le petit track Remember. Très bien, on va partir en quelle année cette fois-ci? Quelle année? Je pense que c'est 96 ou 97. Et 70? 96 ou 97. D'accord, ok. 96 ou 97. 96 ou 97, très bien. 70, bon. Si on fait du. C'est vraiment du rétro là, 70. On sait jamais. Ça des fois qu'on aurait loupé un petit truc. bon. Allez, première news de la soirée. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On commence avec la première nouveauté, bien sympathique encore une fois. Ah on oui, trouve très bon. Donc Dawn Tallman avec le titre Everything, remixé par David Arnes, dont on a déjà parlé souvent ici, on a déjà présenté quelques nouveautés, sur un label que je ne connaissais pas. Moi non plus, je ne connais pas. C'est un nouveau ou je pense à mon avis, ouais. Donc c'est pas encore sorti, ça sort dans 2 semaines. Donc exclu Art and Soul. Et ma foi, ça sent bon l'été, ça sent bon le soleil, malgré le temps un peu pourri dehors. Ouais, un petit peu. Hein. Ça se laisse écouter. Allez, on écoute ça. You Alexis avec un instant la première nouveauté de la soirée. Ça commence assez fort avec Down Talman un instant et le Everything de du remix de David Arness. C'est bien ça? C'est bien ça, Guillaume. Ah. Le professionnalisme. Je commence à être un expert de Heart and Soul, moi. Voilà. Ah, il est bon. Une adresse MySpace peut-être pour ceux qui souhaitent aller sur Internet. Bien sûr. www.myspace.com/downtalman ou sinon www.myspace.com/davidarness. Impeccable. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Heart and Soul. Tout de suite, nouveauté numéro 2 avec Dani Marquez, qu'on avait déjà parlé. Donc, c'est un espagnol. Et justement, qui nous sort un titre sur son label, Bubble Soul, avec le titre Vibration, avec le remix de Rocco, qu'on avait déjà parlé, puis qu'on entendra bientôt, certainement, en interview dans Heart and Soul. Donc, très très bon tract. Et n'hésitez pas à aller faire un tour tout de suite sur le myspace.com/Dani Marquez et écouter ce titre qui est très très bon. Vibrations. so many good vibrations. Bienvenue dans l'émission Heart and Soul à l'instant avec Huggy Anton et Timothée Milton qui nous accompagnent jusqu'à 19h comme tous les mardis soirs. Et oui, c'était une petite habitude maintenant. Et puis on a sorti, il y en a un qui a un t-shirt rose, toi un t-shirt délavé. Et moi, t-shirt bleu. Merci de m'acheter. Bon, enfin, en tout cas, à l'instant, c'était donc Dani Marquez avec le Vibrations et le remix de Rocco qu'on aura l'occasion d'interviewer très bientôt, c'est ça? Donc c'est Rocco, c'est une vibration de Rocco. Très bien. 23 cm. C'est coupé. Dans Earth and Soul. Earth and Soul. Bip, bip, bip, bip, bip. J'ai pas de censure ici, j'ai pas de censure. On enchaîne donc sur la troisième news avec Rick Sound System, avec le titre, pardon, The Sound Is Yours, remixé par Kerry Chandler. C'est sur label belge, label News, qui avait pas sorti de truc depuis longtemps. Et puis, ben, une chouette sortie, même d'ailleurs. Ouais, très, très chouette. Deuxième sortie qui va arriver, je pense, la semaine prochaine, avec un remix aussi de Alix Alvarez, à découvrir de suite dans l'émission Heart and Soul. Sound is yours. Amsterdam sound of the music we call house music. Body music. The sound is yours. Your mind. Don't you understand what's going on in your mind and your soul? Did you question your body during the movement of the music? This is what house music, y'all, it's all about. Music is what you dance to. House music is what you sweat. House music is what you sing to. Galaxy, troisième nouveauté de la soirée avec Rick Sound System. C'était The Sound Is Yours. Oh, on tourne la feuille, hein, avec le remix de Curry Chandler. Live. C'est sorti ou ça sortira sur le label de News? C'est sorti sur le label News, donc. D'accord, impeccable. Donc disponible. Et CD aussi. Impeccable. Donc allez chez votre disquaire. Hein. Voilà. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Ça appelle déjà alors qu'on n'a même pas commencé le jeu. C'est incroyable. C'est grave. C'est incroyable. Nouveauté numéro 4 tout de suite avec Vega feat Johnny Dangerous avec le titre New York City sur le label Vega Records. Très bon track aussi. Et juste après ça, ce sera le coup de cœur. Get moving. Get up. Come on, work. Keep pushing. I can't get moving. Keep paddle. Get up. I can't come on, work. Keep paddle. Keep pushing. I can't get moving. Keep paddle. Get up. I can't come on, work. Keep paddle. Keep pushing. I can't get moving. Keep paddle. Get up. Feel the magic. This is our victory song, a song for my brother, like Nico's song, that untitled flow, that undefined feeling, that brand new day. This goes out from the Brazilianist beats of a thousand fingermen to the underground sounds of the deep. Welcome home, yo. New York, you know I love you. That don't work. Is that one dream, that Moza Lounge, those elements of life, moving, bouncing, shaking, not stirred, feeling good, feeling fine, that Mac Daddy shoot when you put your drink down. New York is that Buddy X backfired from the blood vibes, losing himself to a bad mood, back and forth, twisted, messed up down in his own fantasy, take control of the party. Control of the party, take control of the party, yo. New York, you know I love you. New York, you know I love you. when life ain't what it seems, when the world's love for money all goes to the 10%ers, when there's more work to do and I can't get no sleep. There's something special, something deep, deep down inside these beautiful people, keeping them one step ahead. It keeps coming. Take control of the party. Take control of the party. Take control of the party, yo. Galaxy, quatrième nouveauté de la soirée avec Vega feat Johnny Dangerous. New York City sur Belle Vega encore. Une petite adresse MySpace pour les connaisseurs. MySpace.com/Vega Records. Impeccable. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Et c'est le coup de cœur. Un artiste belge. Ouais. Ça faisait longtemps. Ouais. Ah. Je sais pas si on en a déjà fait d'ailleurs. Non. Avec donc Soul Designer, c'est le pseudo de Fabrice League, avec le titre DDNA sur le label Third Ear. C'est un extrait de son prochain album qui arrive, Evolutionisme. Plus d'infos, www.myspace.com/Fabrice League. Thank you. Eh bien, c'était le track numéro 5, La Petite Larme, puisque finalement, ça fait pas pareil de ce côté-là du micro. Hein. On est vraiment à l'aise, on sent mieux. Il y a la classe. Ah ouais, là, c'est la classe, c'est mieux. On a tous changé les places, puisqu'on a un invité de marque. Peut-être une petite info pour ce dernier track. Enfin, non, c'est pas le track Remember, puisque. C'était le coup de cœur de la semaine, donc avec Soul Designer, DDNA, sur le label Third Ear. Donc, plus d'infos, www.myspace.com/FabriceLeague ou www.myspace.com/Soul Designer. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Très très très bon ça. Sauf que cette semaine il n'y aura pas d'artiste ni de label malheureusement, mais on va parler du clubbing. Il s'est encore trompé de jingle. Il est là. Oui, j'ai mis le 3, c'est le 3 hein, d'habitude. Et oui, mais aujourd'hui on change nos habitudes justement. Puisqu'on a un invité qui va nous parler d'un fameux concept dont on parle beaucoup sur la région en ce moment, éphémère clubbing. Alors avec nous, Sébastien, il est là, on a eu peur qu'il y soit en retard, il est là. Mon hélicoptère vient juste d'atterrir dans le parc du Lyon. Écoute, désolé, je suis arrivé un peu en retard. Ouais, d'ailleurs, t'éviteras pour ton jet privé, parce que là, je vois que t'as fait une grosse trace dans l'herbe, c'est quand même pas sympa. Hein. Non, en fait, j'étais avec Martin Solveig qui était dans mon bureau, qui disait, écoute, Seb, faut absolument que je vienne mixer au éphémère clubbing. Et je lui ai dit, écoute, c'est plus possible, c'est complet, il y a Tim, Tony, voilà quoi, donc il faut faire un choix. Il faut faire un choix, c'est sûr. Martin Solveig. Je préférais vous prendre vous. Oh, mais il est gentil, hein, il est gentil. Bon, bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir dans notre petite émission. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, hein, puisque la dernière fois, je pense que j'étais venu pour vous parler des soirées KGB. Ah oui, donc ça fait KGB au moins. Parties, ouais, ça fait plus d'un an, puisque ça fait la dernière, c'était en décembre 2006, donc c'est certainement la dernière fois que je suis venu à ce micro. Et là, donc, je reviens pour vous parler d'un nouveau concept. Après les soirées KGB, c'est le nouveau concept éphémère, donc le éphémère clubbing. Il s'agit d'un club éphémère qui va ne durer qu'un mois. Donc, mais volontairement, parce que des fois, il y a des établissements qui ne durent pas très longtemps. Surtout quand Timothée passe d'ailleurs. Voilà, c'est vrai. Il y a qui prend feu et tout. Mais là, c'est volontaire. C'est, puisqu'on est parti du principe que finalement, ce qui était le plus sympa en général dans les clubs, et, enfin, après, il y a des clubs qui durent et qui créent leur légende au fur et à mesure des années. Mais souvent, il y a beaucoup d'enthousiasme quand il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Donc, on est parti de ce constat-là. Et comme c'est le printemps, qu'il va faire beau, que c'est la renaissance, les fleurs poussent. Ça va être la saison des amours. Voilà, les jupes raccourcissent. Donc, c'était le bon moment pour faire quelque chose, d'où le concept éphémère clubbing. Je ne sais pas si tout le monde a compris, j'espère. Ouais, oui, je pense. Je pense que ça veut bien dire. En tout cas, c'est les initiales à FMR. Ouais, alors éphémère, bon, c'est vaguement. C'est vraiment un jeu de mots sur éphémère. C'est un papillon aussi éphémère, ce papillon qu'on retrouve sur notre logo. C'est un papillon qui vit que 24 heures, en fait. Donc, tu vois, c'est toute une philosophie derrière. Ouais, non, c'est très bien cherché. Il y a du boulot derrière. Ouais. Là, on reconnaît bien ta petite touche. Hein. Voilà. Et donc, il faut vraiment que ce soit bien clair qu'en fait, avant, dans l'endroit où on va organiser les soirées, avant, il n'y a rien et après, il n'y aura rien. Donc, c'est vraiment un endroit qui est aménagé spécialement pour nous durant un mois. Si vous voulez voir ce club-là, donc ça va durer un mois, vous aurez 11 soirées et pas une de plus. Donc, précipitez-vous lors de ces 11 soirées. Ok, donc ça se situe où finalement Ça se passe dans un coin où on a déjà réalisé quelques soirées KGB, oui. Dans la zone de Potelberg à Courtrai. Pour les connaisseurs, c'est là où il y a notamment le Dachek, la Pidjack les dimanches soirs, et où les KGB ont déjà organisé plusieurs parties. Sauf que c'est dans un endroit où personne n'a jamais rien organisé, puisqu'on a réussi à trouver un nouvel endroit qui n'avait pas encore été exploité, oui. Et qui est vraiment un très bel endroit. Vous pouvez voir des photos sur notre site internet et sur le MySpace. Oui. Ça va, à mon avis, mettre l'eau à la bouche des auditeurs. Oui, je pense bien. Puis apparemment, tout autour de ça, il y aura un concept avec un super son de. Ouais, on a vraiment mis l'accent sur la sonorisation, le son, la déco, mais spécialement sur le son, t'as raison, où on vraiment, en dehors de la qualité des DJ qui vont venir mixer, aussi bien au niveau des résidents que des guests, au niveau de l'installation sonore, on a vraiment voulu faire quelque chose de top, et les amateurs de bon son vont être servis, quoi. Aussi bien qualité musicale que qualité de DJ. Très très bien, mais ça c'est bon, c'est une très bonne nouvelle. Combien de soirées alors y aura-t-il au total Eh bien écoute, il y aura, alors bon, il y a 10 soirées plus une. Je dis plus une parce qu'en fait il y a une petite inauguration VIP mercredi prochain, le 7 mai, qui est uniquement sur invitation et qui est un peu plus confidentielle dans le sens où elle est surtout réservée aux partenaires, parce qu'on a de nombreux partenaires comme Radio Galaxy par exemple. Oui. On a de nombreux partenaires qui nous aident sur ce projet-là. Et on a aussi, bon, après tous les gens qui travaillent sur les soirées, les fournisseurs, etc., les disques jockeys, enfin le personnel, etc. Donc on fait un truc un peu plus confidentiel, mais il y a possibilité de trouver des invitations un peu partout. Pour ceux qui ont la chance de recevoir les mails des soirées KGB, donc nos fidèles clients, notre fidèle anciens, public ouais. KGB, ceux-là trouveront les endroits où trouver les invitations. Et pour ceux qui ont envie de venir, ben, faites votre petite enquête et à mon avis vous arriverez à trouver les endroits. Ok, ok. Et pour cette inauguration, donc le mercredi 7 mai, il y aura un DJ invité. Yass, hein. Oui, c'est ça. La belle Defected. Ouh. Voilà, tu vois, j'ai très, bien très révisé bon. Ma leçon. C'est bien, c'est bien. Je vois que ça commence à rentrer. Ouais, donc un DJ très connu, mais je pense que vous êtes plus à même peut-être de faire la présentation. Bah oui, parce qu'on n'a pas encore parlé de Yass. Bah, Yass, on en a parlé un peu en retour de Miami, parce que il a fait plutôt un buzz là-bas, au niveau de ses productions, au niveau de ses sets aussi. DJ très énergique, à découvrir pour la première fois dans la région d'ailleurs. C'est clair. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir des invitations, ouais. N'hésitez pas, foncez le 7 mai, parce que c'est bon. Ça vaut le coup. Et pour ceux qui veulent entendre un petit extrait, il y a un petit extrait sur le MySpace, myspace.com, ouais. Et sur le nôtre aussi, myspace.com/éphémère clubbing. Tout à fait. Où on retrouve un DJ Yass, mais aussi Fabrice Lick que vous avez passé par exemple tout à l'heure, quoi. Oui. Donc là tu paniques, hein, Timothée. Guillaume n'est plus là, il a disparu. Pas du tout. Je remets le vinyle tout de suite. Tu peux chanter en attendant. Guillaume est parti aux toilettes, il y avait des petits problèmes. Il y avait plus de papier, écoute, je crois. Ça peut arriver, non? Et donc on est perdu avec tout ça. Oui, Yass qu'on retrouvera d'ailleurs justement la semaine prochaine donc dans notre émission en interview. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence, ma foi. C'est incroyable. T'as vu ça? Il sera dans la première fois. Excuse-moi. Non mais tu me perturbes, toi. Arrête. La première fois dans la région. Et en plus la première fois sur une radio. Il perd pas de temps, il vient directement sur Galaxy. C'est très très bon. Et dans l'émission Art & Soul en plus. Oh là là, vous êtes à la pointe. Alors entre le vendredi et samedi, il n'y aura pas peut-être une différence au niveau de la musique, des résidents, tout ça? Si. Alors après la soirée VIP, je précise tout de suite que le vendredi qui suit, il n'y a pas de soirée. Le vendredi 9, il n'y a rien. Et l'ouverture officielle des soirées, donc là, ouvert à tout le public. On vous invite vraiment à venir à cette soirée parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il y a des animations terribles qui sont prévues. Oui. Là, c'est une soirée résident avec les résidents du samedi. Donc, ça sera un son un peu plus électro avec Laurent Mishkind, DJ Nathalie, une charmante DJette, Julien Conem et Teda Nixon. Oh là là, voilà. Mais il y a vraiment. Donc, pour le samedi, un petit son un peu plus électro. Okay. Et sachant que le vendredi, on aura un son un peu plus house, garage, soulful. Oh, c'est un nouveau mot que j'ai appris, soulful. Et donc pour les résidents du vendredi, on retrouvera deux petits jeunes qui commencent, Timothée et Huggy, donc Timothée Milton et Huggy Anton, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, moi, je et Semik aussi et Stewie M, oui. Qui font partie aussi des soirées Art & Soul, je pense, pour Stewie M. Oui, tout à fait. Voilà. Vraiment, il y a vraiment pris ça le son. Il y en aura pour tous les goûts en fait. C'est ça qui est à retenir aussi, c'est surtout dans le concept, c'est que chaque soirée sera différente. Ça dure qu'un mois, mais chaque soirée sera différente parce qu'il y aura des guests, des animations différentes musicalement. Le vendredi et le samedi, ce sera pas la même chose. Et puis évidemment, surtout, comme je le disais, les guests font la différence à chaque soirée aussi, quoi. Justement, au niveau des guests. Alors, au niveau justement. Des guests, on a donc après DJ Yass pour la soirée VIP sur invitation, on enchaîne le dimanche avec Sven Van Is. Qu'on a déjà eu dans la radio, très très sympa. Alors, ouais. Pour ceux qui, on peut dire peut-être ceux qui connaissent pas, mais pourtant, c'est déjà bien connu, mais c'est quelqu'un qui participe régulièrement aux compilations Hotel Cost, si tout je à me fait, trompe oui. pas. Donc, tout le monde a un peu de Sven Van Is chez lui. Dans sa voiture. Donc ensuite on enchaîne. C'est sympa de Tony de m'avoir piqué le plan. Mais je vais faire ça. Alors il y a alors par contre je vais les faire un peu dans le désordre. Mais il y a Fabrice League qu'on a entendu tout à l'heure aussi. Alias Soul Designer qui va passer aussi avec ce soir-là. Il y aura Kauna avec lui, DJ Kauna qu'on aime beaucoup puisque c'était un résident des KGB. Donc ça sera une grosse soirée. On a DJ Rourke aussi qui vient. Sacrée pointure parisienne. On a Phil Wicks qui est très très apprécié. apprécié dans la région. Oui. On a le soir de Phil Week, ce sera une soirée avec le collectif Lucky You, qui est un collectif lillois qui marche très bien. Ce sera une soirée qui leur sera un peu dédiée. Oui. On a aussi également Rorke, que j'ai dit. Il m'en manque un. Donc on a Rocco, DJ Rocco qu'on a pu entendre tout à l'heure. Oui. Tony Gerlin. Là je commence à caler. Un tatoueur. Ah oui, on a Kalki, on a notre ami Kalki qui était aussi un fidèle des KGB pour une soirée rétro et disco qui va vraiment valoir, avec un petit côté rêve d'eau qui va vraiment valoir le déplacement. Il y a déjà pas mal de gens qui sont motivés par cette soirée-là. Ouais. Kalki sera accompagné de Tomska aka Kofiti. Oui, si c'est très très bien. Et on a aussi une grosse soirée made in London avec tout simplement Free From Star. Non, Free From Five. Free From Five, pardon. DJ Star From. Alors ça, c'est le truc impossible à dire. C'est DJ Star From Free From Five. Non, c'était dur. Non, c'est parce qu'en fait, c'était des DJ bien connus puisqu'ils ont fait un très très gros titre qui passe sur pas mal de monde. Tout à fait. Et qui seront chez nous, je pense aussi, pour la première fois dans la région. Bah ouais, je pense, j'ai pas le souvenir qu'on les ait vus dans non, on les a jamais vus. Et ça fait plaisir de les voir. On aura aussi un certain Matt Le Matou qui participera. Matt prendra les platines. Pour un set de gouttières. Ça, c'est pour Guillaume Yadorce. c'est très bien. Bonne interrogation. En tout cas, pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le MySpace, myspace.com/éphémère clubbing. Ouais, il y a un site internet aussi. Donc, www.éphémère-clubbing, clubing.com. Donc, il y a toutes les infos et même les itinéraires pour venir, les photos de l'endroit, des photos des DJ, etc. Très, très bien. Bah, écoute, on va terminer cette interview, mais c'est pas fini puisqu'on aurait bien aimé que tu lui donnes un petit coup de cœur pour les auditeurs qui nous écoutent traditionnellement, comme tous les autres qui ont été interviewés. Voilà. Ok, alors moi j'étais pas prévenu, mais les autres non plus n'étaient sans doute pas prévenus. Donc je vais faire simple en fait dans le coup de cœur. On va faire, je vais failloter un petit peu, on va faire un coup de cœur à Galaxy quand même qui nous suit depuis de nombreuses années. C'est vrai. Parce qu'avant les soirées KGB, donc ça a quand même duré 2-3 ans où on a eu la gentillesse de nous accueillir ici. Il y a eu aussi pas mal de choses sur Moucron avec un établissement qui s'appelait l'Aquarium où on a organisé un anniversaire de Radio Galaxy où il y avait tous les DJ de la radio qui étaient passés. Et voilà, donc c'est un partenariat très sympa avec Radio Galaxy qui nous suit depuis longtemps et ça méritait un petit coup de chapeau. Chapeau melon. Et oui. Un petit coup de gueule par contre. Est-ce que tu as quelque chose un peu plus négatif? N'hésite pas à te lâcher. Je déteste la guerre. Non, voilà, c'est pour la paix. T'es pas obligé. La semaine dernière, Céline n'a pas trouvé de coup de gueule. Elle était. Un petit coup de gueule quand même pour contre certains rouages de l'administration qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues quand on veut organiser des trucs, des soirées dansantes. C'est vraiment très très compliqué d'organiser des concepts de soirées. Et voilà, un petit coup de gueule contre tous les petits bâtons qu'on nous met, on peut nous mettre dans les roues, mais bon, il faut y arriver. C'est vrai. Si c'était facile, tout le monde le ferait en même temps. Voilà. Exactement. Et puis un petit message pour nos auditeurs, terminer ça, puis après on t'a réservé une petite surprise. Surprise ma foi. Donc moi j'adresse un petit message aux auditeurs. Volontiers, oui. Ben écoutez, venez tous très nombreux sur Éphémère Clubbing, vous serez ravis, parce que si vous écoutez cette émission, c'est qu'elle, j'imagine, vous plaît, et si ce que vous y entendez vous plaît, ce que vous entendrez au soirée éphémère vous plaira. Tout à fait. Oh là là là, magnifique. 20 sur 20. Ah bon, ouais, 20 sur 20, j'allais dire, ça c'est de l'interview. Il gère le boss. Il gère. Eh bien écoute, pour terminer cette interview, on t'a réservé un petit jeu, le Quiz Time, tout nouveau dans notre émission. Je suis un fan de quiz. Eh ben voilà, on m'a dit justement que tu adorais ça. C'est ma femme qui t'a dit ça peut-être. Oui, je l'ai eu entre temps au téléphone. Apparemment, tu es très bon aussi là-dedans, donc on va vérifier ça. On va voir. Ah ben, allez. C'est parti. Alors, je veux dire ce que c'est ? Non, ça c'est notre trop facile. C'est le jeu. Oui, bien sûr, c'est trop facile. Ceux qui n'avaient pas retrouvé ça, c'était. Explique un petit peu le concept du jeu en fait. Alors. Oui, déjà tu peux me baisser un peu le son pour expliquer, parce que je m'entends plus. Alors on va te balancer des morceaux donc, qui sont plus ou moins des séries télévisées, plus ou moins bien rétro. D'accord. Parce qu'on sait que tu aimes bien ça. Ouais. Plus de ton jeune temps. Ouais. Parce que je vois que t'attrapes un vieux. Non, t'attrapes des cheveux gris, alors je. Non mais t'as raison. T'as non, non. Donc voilà, on t'en a réservé. Pourquoi préservé? Je me trompe. On en a réservé 11 et on laissera le dernier pour les auditeurs. On expliquera un petit peu pour. D'accord. Voilà. Donc il suffit juste d'écouter. De trouver le titre. Voilà, tout ça simplement. Ça va aller super vite. Dans 2 secondes, c'est réglé. Le titre, mais il faut que tu trouves surtout le l'année, les figurants. Ce serait trop dur là, je pense. Chargé de production. Allez, c'est parti. Premier extrait. Oh, Cosby Show. Oh. Et ça, c'est très très bon. C'est... Tous les soirs sur M6, pendant des années. Ah là là là là. C'est avec la soupe familiale. Bon vieux temps, ça. C'est des bons vieux temps. C'est que a cappella. Hein. Et c'est Bobby McFerrin d'ailleurs qui a fait le titre. Bobby McFerrin qui a fait Don't Worry, Be Happy. Bah, c'est une encyclopédie vivante. T'as les ma culture. Ouais, c'est bon, ça. Ah, bah, premier, déjà 20 sur 20. Voilà, voilà. Alors attention, numéro 2. Un peu plus difficile. Oula. Ah, oula. On est bien sur Galaxy. Hein, les maîtres de l'univers, non, c'est pas ça. Ah non. C'est une série télévisée, ça? Oui, tout à fait. C'est pas plutôt un film? Non. Il y a les deux, je pense. Ah, pas cool. Pas cool. Ah, 0 alors, sur 20, là. Ah là, tu me poses une colle. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Ouais, c'est pas les Transformers? Non plus. Non, écoute, je donne ma langue au chat parce que franchement, je vois pas. Il a des longs cheveux, il ressemble à Charles. Le rebelle? Non, c'était Highlander. Ah ouais, d'accord, ok. Ah là là. D'accord. À la 0 sur 20, t'as désolé. On est non, donc ça fait 1 sur 2. 10 oui. sur 20, allez, ouais, 1 sur 2. Alors tout de suite, au prochain, un peu plus facile puisque on voit que t'as un petit peu du mal sur celui-là. Ouais. Attention. Le Saint. Ah, bravo! Simon Templar. Il est bon. Bien vu. C'était plus facile, hein, ceci ouais, dit. Ouais, bon. Un petit peu plus facile. Ma génération, quoi. Ouais, voilà. Les années 60. Attention, on écoute le prochain tout de suite. Ah, petite dédicace, une demoiselle. Et citadins. Les entrechats. Exact. Isidore. Et il est bon. Il y avait deux dessins animés. Il y en a un avec Isidore et l'autre avec des chats un peu plus voyous là. Mais un peu plus rebelles. Voilà, un peu plus rebelles. Matt, tu dois bien les connaître, ces chats-là. Tout de suite, prochain. Donc attention. Vas-y. Well, I'm not the kind. Ah, l'homme qui tombe à pic. Ah là, direct, hein, t'as vu ça? Attends, j'ai combien là? J'ai une mauvaise réponse pour l'instant. Une mauvaise réponse. Moi je pensais que t'avais fait un 20 sur 20 sur d'ailleurs, la blonde dans cette série, elle était très. Ah ouais, elle était charmante. Jodie, ouais. Ah, c'est bon ça. Elle m'a marqué. C'est plus. Comment c'était? Howard. Attention, on écoute le prochain. On se concentre un petit peu. Timothée connaît le prochain. Oh, Magnum. Magneto, Serge. Ah, tiens, Magnum, bah oui. Bah bien, il est là, Magnum. Il y a un Schmilblick là, mais bon, c'est bon. Ils ont un peu inversé bon, les trucs. Bon, suivant. Oui, suivant. Attention. Alors, pour t'aider, c'est une marque que Timothée connaît bien. Durex. Ah, c'est pas loin. C'est une pub, non? C'est pas une série? Non, c'est une série télé. Ah, Manix. Oui, bah oui, c'est ça. Tu m'étais sur Durex, si Manix, c'était série, Manix, ouais. C'est un des deux. Okay. Attention, on écoute le prochain. Calme. Ah là là là là. Un grand pas. Ah oui, les. Ouais. Tu m'étais, c'était Charlie. Grand pas mini. Fidèze. Ah bah les mini-pousses, voilà. C'était trop facile. Grave. Ça c'est une question. Non, j'avais dit grand pas mini quand même, voilà. C'était presque ça. On va dire ça. Rattrape-toi, hein, parce que celui-là, il était quand même très facile. Mini. Attention, on va coûter le prochain. Ah là là, petite dédicace. Aha. C'est tout? Non, c'est pas tout. J'ai eu peur. Là c'est un peu plus difficile. Ah mais c'est bien. Ça passe sur le cap. Ouais, parce que sinon c'est trop facile pour lui. Ah oui, Canon. Non. Oui. Ah venez, attends. On va attendre ça au soir éphémère. Attends. Oui. Ça, c'est un déclic, c'est pas... Un détective privé, non? C'est un détective privé. Mike Hammer. Non. Punaise. Colombo, c'est pas Colombo. Non. C'est aussi pour la justice, mais c'est pas pareil. Il est derrière les barreaux. Ah, punaise. Alors, c'était. C'était Perry Mason. Perry Mason. Alors. J'ai jamais regardé. T'as jamais regardé, ouais. Ah, ça fait deux déjà maintenant. Ok. Oh là là. Ah, je suis déçu là. Ouais, mais écoute, je suis désolé là. C'est vrai que. Allez, on va passer. Au prochain. Oh, ce sera le dernier, puisque après, on expliquera ce qui se passera. Une petite nouveauté. Ah oui. Ça, c'est le Rick Hunter. Ah, bravo. Quand même, le dernier, il est bon. On applaudit Seb quand même. Hein. Franchement, c'était très années 90, hein. C'est pas trop ma génération. Je veux pas faire le mauvais joueur, mais. Eh bien, c'est très bien. Je pense qu'il a bien répondu quand même. Ah, je m'en veux un peu quand même. Ah, 9 sur 11. J'ai glissé sur 2 là. Ouais, bon. C'est la moyenne. C'est la moyenne quand même. Moi, ce que je propose, c'est que. On t'en avait préparé une en plus, mais ce serait peut-être bien d'essayer de la faire trouver par un auditeur qui. Ouais. Ensuite, peut-être. On pourrait gagner quelque chose, je sais pas, t'as pas quelque chose à offrir pour Écoute, j'ai une caisse. J'ai un t-shirt KGB. T'as une caisse. J'ai un t-shirt. Un t-shirt KGB, pardon, un t-shirt éphémère. C'est pas pareil. Un t-shirt éphémère, pourquoi pas ouvrir. Allez, j'en ai un pour une jeune fille et un pour une. Pour un garçon. Pour une jeune homme. Une belle petite jeune homme. Une petite jeune homme. Alors c'est du S, attention, hein. Donc, ok. On choisit les donc, filles. Ok, alors on me dit dans mon oreillette. Oui, c'est du direct. C'est un métier, hein, Tim. Oui, tout à fait. Donc nous allons d'abord écouter un de tes morceaux préférés pour se mettre d'abord en situation, puisqu'on va d'abord faire 5 appels au numéro 5 appels. 5e appel. Voilà, le 5e appel gagne une couscoussière. Un t-shirt éphémère. Essayer de répondre d'abord. Oui. Puisqu'il va devoir d'abord trouver. Il va passer en direct. La 5e bonne réponse, donc en fait. Non, pas la 5e bonne réponse, puisqu'il va passer en direct. Donc le 5e appel. D'accord, voilà direct. Le 5e appel, tout simplement. Non, nous n'avons pas peur ici. Okay. Nous sommes en direct de la radio. Bon, bah, appelez tous. Et puis on va écouter un de tes morceaux préférés, puisque c'est Joe Smooth. From Island. On sait que tu es fan de ce morceau. DJ international. J'en ai emballé les gonzesses là-dessus. Hein. Ah là. Ta copine qui écoute. Un petit coucou. Alors tout de suite, on écoute ce track. Oui. Rappelle quand même qu'il faut appeler donc au 03 20 83 57 57. Le 5e appel donc sera pris sur antenne pour essayer de trouver le générique que tu as mis sur CD. 83 57 57. Un petit t-shirt voilà. Éphémère. Et c'est parti. Présenté par Timothée Milton, Guy Anton et Kyo. Earth and Soul. Earth and Soul. Earth and Soul. Earth and Soul. Earth and Soul. Earth and Soul. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. énorme classique à l'instant sur Galaxy avec le Promised Land, apparemment l'un des titres préférés de Sébastien qui organise les soirées éphémères. Oui. Toujours avec nous d'ailleurs. Toujours avec beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, forcément. Alors, on a eu beaucoup de monde, forcément, qui a appelé pour essayer de passer sur l'antenne et de deviner quel est le titre, en tout cas, quel est le nom de la série qui sera diffusée d'ici quelques secondes. Et nous avons Jean-Louis Poupy au téléphone. Jean-Louis Poupy. Bonjour. Allô? Oui. Bonsoir Jean-Louis, comment vas-tu? Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Guillaume, bonsoir à la team éphémère. Hein. Bonsoir. Oui, bien sûr. Tu nous appelles de où Jean-Louis? De Roubaix. Ah d'accord, très bien, c'est sympa ça. Bah oui. Tu as quel âge Jean-Louis? J'ai 29 ans. Donc tu es fan des séries? C'est ça. Tout à fait. Bah écoute, je crois que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu veux écouter l'extrait qu'on t'a sélectionné pour éventuellement remporter un t-shirt éphémère, dont j'imagine que tu vas te rendre certainement soirée, non? Ah bah sûrement, vu la présentation de Sébastien, ça donne envie d'y aller. Hein. D'accord, c'est marrant, ta voix me fait penser à quelqu'un. Enfin bon. C'est un cousin à moi. Allez, ouais, d'accord, ok. Il y a des pistes, mais bon, tu ouvres bien tes esgourdes, mon petit Jean-Louis. Je les ouvre. Ouvre bien grand. Jean-Louis Pompi, allez. Attention. Ah, oh, facile, Jean-Louis. Ah ouais. Les mystères de l'Ouest. Non, James. Non, James. Écoute bien. Star Trek. Oui. J'allais chanter les paroles et tout. Oh, t'allais chanter les paroles, Seb allait chanter les paroles. Il y a des paroles dedans. These are the Voyager from the Starship Enterprise. Oh là là, quel accent. Excellent, ouais, bien, ouais, bien. Bon. J'avais fait mon premier mix là-dessus, j'avais mixé un truc là-dessus. Ah ouais. Très bien. Bon, écoute, Jean-Louis, toutes mes félicitations. Bravo Jean-Louis. Est-ce que ça t'a donné une petite suée de passer à l'antenne comme ça? Oh, une grosse même. Bon, tu vas pouvoir t'essuyer avec un beau t-shirt éphémère. Le grosse ou grosse. Merci à toute l'équipe. Il n'y a pas de souci. De rien, Jean-Louis. Jean-Louis. À bientôt, Jean-Louis. Merci Jean-Louis. D'avoir appelé. Allez, à bientôt. On prend tes coordonnées en antenne, bien sûr. Salut, eh bien, voilà. C'est pas mal du tout. Hein. L'émission s'approche de la fin, mais malheureusement, ce n'est pas encore fini. Hein. On a encore l'agenda. Ben oui, on est un peu en retard aujourd'hui, mais on a l'agenda qui est prêt. Puisque cette semaine, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai? Ben oui. Attends, Guy. Non, je dis à Guy qui pose le micro ici. Voilà. Ouais, il fait n'importe quoi, Guy. Non, mais complètement. Complètement. Alors donc l'agenda pour les soirées, est-ce qu'il y aura des soirées pour mercredi soir? Ben oui, tout simplement puisque c'est férié le lendemain, donc il va y avoir beaucoup de soirées. Alors du côté du Bataclan à Paris, on aura la soirée Strictly House, c'est les 6 ans et c'est la dernière d'ailleurs. Voilà, c'est la dernière, tout à fait. Et on aura comme invité Paco, Jules, Jérôme Pacman et Jack de Marseille, donc un très très bon line-up à ne pas manquer si vous êtes du côté de Paris. Toujours sur Paris, du côté du Red Light, Fafa Monteco et Audio Jack pour une soirée hypnotique musique. Alors là on n'est plus sur Paris, mais c'est des soirées parisiennes puisque c'est les soirées So Happy in Paris. Et là c'est du côté de la Villa à la Grange et c'est à Guérande. Le sel de Guérande. Oh, ok, bon je voulais mettre un accent, je trouvais que c'était beau, c'est tout. Du côté de la Belgique, une soirée sous l'Even avec Kenny Dope et T-Max du côté du Stéréo Sushi à Anvers. Alors on va passer tout de suite au vendredi. Ça c'est fait. Tu parles un peu comme Jean-Louis, disons. Voilà, c'est ça, Jean-Louis, si tu nous écoutes. Merci pour ton appel. Vendredi 2, donc la soirée de la House avec DJ Snake, Odion et Phil Wicks, toujours au Bataclan. C'est d'ailleurs l'anniversaire de Phil Wicks pour cette soirée. Exactement. Ensuite, du côté de Wurzburg en Allemagne, dans un aéroport d'ailleurs. Dans un aéroport. On va retrouver Sun Lovers et Ralph Gum. Alors on a la soirée à la Fabrique et ce sera un live avec Switch et Parawan. Donc la Fabrique qui est du côté de Londres en Angleterre. The Fabric. Si tu veux, The Fabric. Samedi 3, donc du côté de Jeter nos petits Suisses, une soirée Satisfied avec Jamie Lewis au Terminus. Pas l'air, ça. C'est nul. Vous pourrez retrouver Loco Dice, Luciano, Chonky, J-Az. Et ça sera du côté aussi de la Fabrique, mais ça c'est pour le samedi 3. Toujours du côté de Londres, Jimster et Fish Godip du côté du Asno House à London. Puis on revient sur Paris pour la soirée Animal House avec Reverend P et l'ami Fudge. Voici. Et voilà, pour la fin de ce... Vous savez où vous dirigez pour le week-end. Voilà, parce que... Est-ce qu'on peut retrouver ces informations sur Internet, par exemple? Ben oui, tout à fait. myspace.com/earthandsoulsound. Ou puis, il y a aussi le forum de Galaxy. Il est toujours à jour maintenant. Hein. T'as vu ça, on fait tout bien à voir. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a le temps de se faire le Track Remember quand même? Bien sûr, on peut déborder. On a un petit peu débordé aujourd'hui, mais on va quand même le lancer, hein, puisque ce fameux track, tout le monde l'attendait. Qui est cette semaine? M Theory featuring Victoria Beckham, non, plutôt fait, Tania non, Beckham. Non, bien sûr, c'est le tapis musical, t'as, hein, y a pas de soucis. Avec le titre Angels, c'est sur le label Fusion Records, titre très joué au rêve d'eau. Vous pourrez d'ailleurs sûrement l'entendre du côté de l'âge de zoo demain avec la soirée de Kalki, rétro mais pas trop. Donc à se réécouter en boucle, en boucle, en boucle pour de très bons souvenirs. Avec un petit peu de retard hein, sur l'horaire, mais bon, quand on a des auditeurs comme Jean-Louis. Mais tu t'arrêtes en boucle. Ah, mais là, il est chaud comme la braise. Ah, hein. Oui, il arrête pas de parler. Notre ami Hubert, en plus. Il est là. Bon, oui. On a fini. Bah ouais, c'était une. Déjà. Malheureusement. Bon, on va peut-être rappeler essentiellement les sites internet, notamment de l'émission, et également des soirées éphémères qui commencent très bientôt. Oui, la semaine prochaine. À partir du 10 mai. Oui, c'est ça. Le 7 mai pour les VIP et le 10 mai pour l'ouverture officielle. Voilà, plus d'informations donc directement sur le net. Vous allez sur le fmr-clubbing.com, site internet. Et puis bien sûr, on n'oublie pas le MySpace qui doit être certainement en lien, soit sur le site de Timothée et également sur le site de Huggy. Tout à fait. Oui, hein, dans les premiers d'ailleurs. Quelque chose à ajouter supplémentaire? Écoute, à bonjour à Jean-Louis Poupi. Ah bah, en tout cas, il doit être content. Ouais. C'est le premier à avoir un t-shirt éphémère, ouais, dans un sens. Ouais, c'est le premier de la série. C'est le premier de la série. Il y en aura pas mal. Juste pour dire, la semaine prochaine, on aura un invité de marque, puisque une interview de DJ Yass du label Defective. Donc, n'hésitez pas à écouter. Ce sera très, très bon aussi. Quoi. Très voilà. Bien, impeccable. Au revoir. Sébastien aussi, un grand merci. Hein. Merci, ouais, merci à Seb, Sébastien. Merci à vous. Pour son 9 sur 11 et voilà, c'est ça. Pour sa récitation parfaite. L'année prochaine, je fais 11. Et merci à tous les auditeurs et www.myspace.com/artandsoulsound si vous avez des questions ou des petits quoi que ce soit. Des réactions, des insultes. Non, pas d'insultes, on prend pas. N'hésitez pas en tout cas. Sinon, on se retrouve donc bien sûr la semaine prochaine, mardi, même horaire, 18h-19h, l'émission Art and Soul sur Galaxy. Allez, salut Guillaume. Bonne semaine. Bonne semaine. Galaxy. Out of time. Out of time.